Quand il ne pleuvait pas le dimanche, ils sortaient ensemble et, bras dessus, bras dessous, ils s'en allaient par les rues. Presque toujours la même réflexion leur survenait à la fois, ou bien ils causaient, sans rien voir autour d'eux. Des lauriers ambitionnaient la richesse comme moyen de puissance sur les hommes. Il aurait voulu remuer beaucoup de monde, faire beaucoup de bruit, avec trois secrétaires sous ses ordres et un grand dîner politique une fois par semaine. Frédéric se meublait un palais à la mauresque pour vivre couché sur des divans de cachemire, au murmure d'un jet d'eau servi par des pages nègres. Et ces choses rêvées devenaient à la fin tellement précises qu'elles le désolaient, comme s'il les avait perdues. À quoi bon causer tout cela, disait-il, puisque jamais nous ne l'aurons. Qui sait? Reprenait Deslauriers. Malgré ses opinions démocratiques, il l'engageait à s'introduire chez les Dambreuse. L'autre objectait ses tentatives. Bah, retourne-y, on t'invitera. Ils reçurent, vers le milieu du mois de mars, parmi des notes assez lourdes, celles du restaurateur qui leur apportait à dîner. Frédéric, n'ayant point la somme suffisante, emprunta 100 écus à Deslauriers. 15 jours plus tard, il réitéra la même demande, et Leclerc le gronda pour les dépenses auxquelles il se livrait chez Arnoux. Effectivement, il n'y mettait point de modération. Une vue de Venise, une vue de Naples et une note de Constantinople occupant le milieu des trois murailles, des sujets équestres d'Alfred de Dreux, çà et là, un groupe de Pradier sur la cheminée, des numéros de l'art industriel sur le piano et des cartonnages par terre dans les angles encombraient le logis d'une telle façon qu'on avait peine à poser un livre, à remuer les coudes. Frédéric prétendait qu'il lui fallait tout cela pour sa peinture.